Chapitre 11e. Tourment d'amour dure toute la vie. Quand Madeleine se leva, après les quelques semaines de fièvre qui suivirent la catastrophe, le jeune sergent souffrait encore. Il avait sauvé Madeleine, vaillamment, mais cet acte d'héroïsme lui coûtait cher. À demi asphyxié et pris ensuite par une fièvre violente, la fièvre des colonies que cette lutte, ces émotions, réveillèrent violemment, il fut beaucoup plus longtemps que la jeune femme à se remettre. Madeleine, au contraire, plus nerveuse, débarrassée, grâce à sa démence, du souci qu'il avait ployé, se rétablit plus vite et eut une convalescence plus prompte. Jacques, très faible encore, ne recouvrait ses forces que peu à peu. D'autant que malgré sa vigueur, sa vaillance, il revenait déjà très anémié de son séjour aux colonies et qu'il avait grand besoin de se refaire au bon air des champs des Ravenelles, de renouveler son sang affaibli sous les climats débilitants, de tonifier ses poumons délabrés par les miasmes des rizières asiatiques. Mais il dut aussi attendre la cicatrisation de ses brûlures. Rien n'est plus long à guérir qu'une brûlure profonde, et Jacques avait un bras très sérieusement brûlé. C'était la femme de son frère aîné, Ernestine, la mère du petit Fernand, à qui le docteur Lobel avait montré comment il fallait panser le bras. Ernestine se chargeait de ce soin délicat. Un jour que Madeleine se tenait avec la jeune fermière dans la pièce du bas où se trouvait la cuisine, Ernestine préparait de l'eau chaude, des linges. « Pourquoi faire ?» demanda Madeleine, intriguée, « pour panser le bras de Jacques. » Madeleine ne sourcilla pas. Elle redit seulement « pour panser le bras de Jacques. » Puis, quand Ernestine monta avec le pansement dans la chambre de son beau-frère, Madeleine, tout simplement, sans curiosité, sans anxiété, comme faisant chose dont elle avait coutume, Madeleine suivit la jeune paysanne. Avec Ernestine, elle entra dans la chambre du malade, sans paraître aucunement s'émouvoir, s'approcha aussi du lit du sergent. Elle n'avait sur la physionomie aucune marque d'étonnement devant ce tableau assurément nouveau, imprévu. Ses yeux étaient clairs. Il regardait avec calme, et sa bouche, au dessin si pur, souriait affectueusement. Mais si Madeleine ne manifestait aucune émotion, il n'en était pas de même du sergent. Jacques, en apercevant derrière sa belle-sœur la tête blonde de Madeleine, tressaillit dans tout son être. « Madeleine » murmura-t-il. « Madeleine !» Il la contemplait avec anxiété, avec angoisse, avec tous les sentiments que peut faire naître, chez un jeune homme, une âme ardente et un cœur généreux. Il regardait Madeleine, surpris, heureux et troublé. Il l'admirait, il l'adorait tout à la fois. Il était comme le fervent, le fanatique, qui aurait vu venir devant lui, vivante, l'idole vénérée. Madeleine, sans se rendre compte de ce sentiment, sans le comprendre, sans en avoir même conscience, demeurait là, dans un costume blanc qu'elle aimait, longue, souple, exquise. Elle souriait toujours, et sans rien dire, regardait Ernestine panser le blessé. La jeune fermière, silencieuse elle aussi, craignant par une parole de troubler Madeleine, de faire partir son sourire charmeur, de provoquer peut-être la fin de cette sorte de rêve, d'extase où s'attardait délicieusement le sergent, lentement, enleva les épingles du pansement, défit le long bandage et mit à nu le bras blessé. À ce moment, il eut peur que Madeleine fût effrayée par la vue de la plaie. Mais les femmes, qui plus que les hommes endurent les douleurs physiques, ont une résistance plus forte qu'eux à la vue du mal. Elles supportent admirablement l'aspect des plaies les plus épouvantables. Madeleine regarda donc sans frémir, sans pâlir, la blessure mise à nu, ce bras que la jeune fermière plongea dans un bassin plein d'eau tiède. Ses yeux ne perdirent rien de leur limpidité, son sourire ne s'atténua pas. Mais seulement sur ses lèvres un murmure passa. « Jacques, oh pauvre ami !» Ce fut tout. Ernestine et son beau-frère échangèrent un regard de profonde stupéfaction. Ils étaient grandement surpris, étonnés, ils se sentaient anxieux. Ils se demandaient a-t-elle recouvré sa raison? Est-ce un éclair dans sa folie? Problème aussi captivant qu'impossible à résoudre. Madeleine, sans paraître se soucier du trouble de ces deux êtres qu'elle provoquait, sans se douter même de l'émotion qu'elle suscitait, regardait aussi calme, aussi sereine qu'au début. Ernestine, maintenant, refaire le pansement, arranger le bras du blessé. Puis quand Jacques se recoucha, s'étendit à nouveau dans son lit, quand Ernestine lui retapait son oreiller, ramenait ses couvertures, qu'elle se disposait à s'en aller, emportant ses ustensiles, ses linges de pansement. Alors, Madeleine, se penchant un peu plus sur le blessé, lui dit de sa voix douce et berceuse « Maintenant, dormez, Jacques, mon ami. Oui, il faut dormir, mon bon Jacques, il faut dormir. Parce qu'Armand dort aussi, vous le savez, il dort, il dort. » Oh, alors le regard qu'échangèrent Jacques et Ernestine fut tout de douleur. Celui de la jeune paysanne disait « Plus d'espoir, rejetant toute illusion. » Et celui de Jacques, désespérément, avec une douleur intense, criait « Folle, folle, oh, quel malheur infini !» Le lendemain, Madeleine vint encore avec Ernestine dans la chambre du blessé au moment du pansement. Mais alors elle ne se contenta plus de regarder agir la jeune fermière. Cette fois, elle la seconda. Elle voulut non seulement l'aider, mais faire elle-même le bandage autour du bras. Jacques, tout pâle, tout ému, regardait la main menue, blanche comme la cire, les doigts longs, aux ongles rosés, de Madeleine, tournés autour de son bras. Il comprit en ce moment comment une main de femme peut changer en caresse ce qui est douleur sous d'autres doigts, comment une plaie finit par être une joie, comment une souffrance arrive à être un bonheur. Le pansement finit pendant qu'Ernestine ramassait les débris de coton hydrophile, de toile, prenait ses bassins d'eau chaude, Madeleine, comme elle l'avait vu faire la veille, rangeait les oreillers du malade, ramenait les couvertures, puis, laissant aller sa main sur le front de Jacques, dans un geste qui était une caresse, caresse de tendresse chez une maman pour son enfant souffrant, caresse d'affection d'une femme au bien-aimé qui repose, elle dit doucement comme la veille « Maintenant, mon bon Jacques, il faut dormir. Armand aussi dort, il dort. » La main douce frôla la figure du malade, elle glissa comme une aile d'oiseau aurait glissé. Et Jacques, cependant, sur ses lèvres brûlantes, put sentir la fraîcheur exquise du bout des doigts rosés. Peu d'instants après, la mère d'Almay, avec qui Ernestine échangea rapidement quelques paroles à voix basse, monta tout émue dans la chambre de son fils. Jacques vivement essuya ses yeux, car Jacques, depuis le départ de Madeleine, pleurait. Mais la vieille paysanne, en embrassant son fils, lui dit avec cette rude tendresse des mères, frappée par la douleur secrète de leur fils, qu'elles viennent de surprendre et dont elles connaissent l'ampleur. « Ah, mon gars, va, mon pauvre petitot, tu n'avais pas besoin encore de cette autre souffrance, mon pauvre gars, mon fils. » Et Jacques, sentant la chaude affection de sa mère, sentant qu'elle savait son secret, dans les bras de la bonne vieille qui le berçait comme lorsqu'il était petit et malade, Jacques put soulager son cœur et pleurer longuement sur ce que sa mère appelait l'autre souffrance, son grand amour pour Madeleine.